Finalement, la vie des regards. Il n'avait rien à manger. La faim et l'oreille. Et c'est pour ça qu'il serait tous les jours chez Arthad. Et Arthad n'aimait pas pondre les œufs devant les renards. Elle tenait à garder leur intimité, c'est vrai. C'est sûrement désagréable de pondre ses œufs devant les renards. Pas de chasseurs, pas d'oiseaux, pas d'humains plumés, le paradis en somme. Et on verra bien celui qui décidera. Nous, vous y êtes pour rien. S'il y avait un Alors comment nous on veut se débrouiller maintenant sans lui? Les gens qui se mettent d'accord entre les deux. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Nous on y est pour rien. C'est pas notre faute, pas notre faute, pas notre faute. C'est pas notre faute, pas notre faute, pas notre faute. C'est pas notre faute, pas notre faute. Merci beaucoup. Au revoir, mes petits enfants.